Pour l'heure, on écoute Histoire vivante sur la première. Passez un très bon après-midi. Vacarme avec le Montreux Comédie Festival du 28 novembre au 3 décembre. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Non, mais je crois que la Chine a désormais les moyens d'acheter le monde. C'est aussi simple que ça. Cette semaine, la Chine. Et de la même façon, vous avez l'invention d'un slogan par l'équipe dirigeante précédente, celle actuelle de Xi Jinping. Donc vous avez l'équipe de Hu Jintao, avant 2012, qui a inventé ce slogan de société socialiste d'harmonie. De Confucius au nouveau maître. C'est un certain Zhu Xi qu'on a souvent comparé à une sorte de Thomas d'Aquin chinois, enfin, qui a décidé que un certain nombre de textes courts, dont les entretiens de Confucius, entreraient dans le corpus des écritures canoniques confucéennes. Culture. 1400 morts, 10 000 blessés. Ce matin, la place Tiananmen, longtemps scène d'un drame pour la démocratie, sous les yeux du monde entier, s'est réveillée, nettoyée par l'armée. Et politique. Han Cheng, on vous retrouve pour cette troisième journée au Collège de France. On vous remercie encore de votre accueil, surtout que vous êtes à quelques jours de votre nouveau cours. D'ailleurs, l'intitulé cette année, quel est-il ? Ça fait partie d'un cycle qui a commencé il y a quelques années, que je vais m'efforcer de terminer cette année, encore qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais il est quand même temps de passer à autre chose. Mais il s'agit d'un cycle, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ouvre la perspective sur à l'échelle régionale, pour que on n'oublie pas que la Chine, c'est pas une entité en soi. Enfin, elle est inscrite non seulement dans le monde, mais aussi dans un contexte régional. Et à mon sens, je crois qu'elle gagnerait beaucoup à regarder du côté de ses voisins, notamment ceux qui pèsent le plus pour l'instant, à savoir le Japon d'un côté et l'Inde de l'autre. C'est à la fois du fait que, je le dis toujours un peu par boutade, que il y a un moment où on en a assez de la Chine, on a assez de parler que de ça. Ça m'a intéressé de regarder la Chine à partir d'une autre perspective, mais aussi parce que ça me paraît important que la Chine se rende compte qu'elle n'est pas toute seule, non seulement au monde, mais dans la région. Alors on va, si vous le voulez bien aujourd'hui, parler encore un petit peu de Chine, pardon, et puis on parlera également de nouveau de votre travail, et notamment de votre travail d'éditrice. Restons encore un moment sur Confucius. Le contenu longue durée, vous l'avez, je le rappelle, sur le site du Collège de France, en suivant les cours d'Han Cheng. Allongez-vous parce qu'il y en a pour un moment. On en était hier à ce retour de Confucius, après des décennies d'intention d'éradication complète, intention qui échoue donc, et c'est le retour donc de Confucius. Mais ce retour-là, est-il un retour dont l'intentionnalité est totalement pervertie et instrumentalisée ? En gros, fait-on dire à Confucius désormais n'importe quoi ? On prend l'ouvrage central, les entretiens, vous nous redonnerez le nom en chinois, et on ouvre et on interprète à foison le contenu des pages. Dites-nous un petit peu ce qu'on fabrique aujourd'hui avec Confucius, au-delà du fait que là-dedans, il y a des relais formidables, que sont notamment les instituts, mais également les écoles privées, puisqu'il faut que ça commence très tôt à rentrer dans le crâne des chers bambins. Enfin voilà, on fait du Confucius avec forte insistance, Han Cheng. Oui, ce pauvre Confucius, je crois qu'il a eu le malheur d'être pris comme un emblème de toute une culture et de toute l'histoire d'une société. D'une certaine manière, ce sont ces intellectuels chinois de la jeune Chine moderne, du début du XXe siècle, dont nous parlions précédemment, qui ont au fond fait de Confucius véritablement l'icône négative, l'emblème de ce qu'il fallait abattre, puisque encore une fois lors de mouvements à répétition, c'est vraiment ça qu'il faut abattre pour que la Chine puisse accéder au statut d'une nation moderne et actuellement au statut d'une nation puissante, voire super puissante. Alors, maintenant, Confucius, on lui fait jouer un rôle inverse, puisque maintenant, il est considéré comme le représentant à lui tout seul de toute la civilisation chinoise, ce qui est évidemment une contre-vérité historique. Alors, je suis un petit peu chagrinée de vous entendre mettre un petit peu dans le même paquet ces écoles privées où certains parents choisissent de placer leur bambin pour qu'il s'initie à la culture classique de manière soi-disant traditionnelle, c'est-à-dire par apprentissage par cœur de ces textes, et de l'autre côté, les instituts Confucius, qui eux sont, pour dire les choses sommairement, mais je pense que c'est la vérité, ces instituts Confucius sont l'émanation de la propagande chinoise, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils sont financés directement par l'État chinois. C'est pour ça qu'ils ont autant d'argent et c'est pour ça qu'ils s'imposent aussi facilement partout dans le monde. Mais les deux ne sont-ils pas relais finalement de ce retour de Confucius? Pas de la même façon. Les instituts Confucius, c'est vraiment l'émanation de la propagande chinoise, c'est-à-dire de ce qu'il est de bon ton d'appeler maintenant le soft power chinois dans le monde. Là aussi, Confucius est utilisé comme une sorte de symbole de la culture chinoise dans son ensemble, ce qui, évidemment, encore une fois, est tout à fait faux. La culture chinoise est beaucoup plus diversifiée, mais c'est quelque chose de commode, justement, pour la propagande. Comme c'est souvent le cas. Ce n'est au fond qu'un prototype ou un archétype de plus de propagande. Oui, mais le problème, c'est que c'est de la propagande armée de beaucoup d'argent. Actuellement, en France, j'ai pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme en disant attention, il y a péril en la demeure dans la mesure où il faudrait pas que les instituts Confucius qui s'implantent à même les universités, ce qui n'est pas le cas des alliances françaises qui sont censées être le modèle de ces instituts Confucius. Donc ils s'implantent à même les universités et il faudrait pas qu'ils supplantent carrément les départements d'études chinoises, qui sont des départements universitaires et par conséquent qui dispensent un enseignement critique. Les instituts Confucius, ils disent mais on fait pas de mal, on enseigne la langue, etc. Mais je veux dire, il y a aussi façon et façon d'enseigner la langue et on peut véhiculer pas mal de choses à travers cet enseignement. Et d'autre part, il y a quand même un grand nombre de sujets qu'il vaut mieux ne pas aborder dans le cadre des instituts Confucius. Ça, les sujets ne manquent pas. Les sujets qui fâchent ne manquent pas. En revanche, les instituts Confucius préfèrent dispenser des cours de peinture, de calligraphie, de cuisine. Ça vend une Chine extrêmement... Le soft power. Une Chine très consensuelle, oui, en effet. Anne Cheng, pour qu'on comprenne un peu qu'on ait peut-être plus à l'esprit le contenu de cette... culture confucianiste, si on se réfère aux entretiens, quand bien même Confucius n'en est pas l'auteur, puisqu'il n'a pas écrit, mais qu'est-ce que l'on doit se représenter comme type de contenu? Vous nous avez dit, ça commence toujours avec la même formule, on peut imaginer que c'est souvent établi sous une forme de dialogue, peut-être je me trompe. Comment c'est une analyse littérale de ce texte-là? C'est un texte assez déroutant au fond, parce que si vous le lisez comme ça en continu, de la première phrase jusqu'à la dernière, vous avez l'impression que c'est quelque chose de complètement décousu. Un collègue américain qui enseigne dans une école militaire aux États-Unis me disait qu'il avait fait lire les entretiens de Confucius à ses élèves officiers de l'armée américaine, donc, qui lui ont dit, mais on dirait en fait un, ils appellent ça un collier de fortune cookies, c'est-à-dire, vous savez, de ces espèces de gâteaux qu'on vous donne dans les restaurants chinois là, à la fin du repas, que vous ouvrez, il y a une espèce de petite phrase à l'intérieur. Donc ces officiers américains, je crois qu'ils ont eu la bonne formule, c'est une string fortune cookies. C'est ça l'impression que ça donne, en fait. Donc, du coup, les gens qui abordent ce texte en toute innocence se disent, mais pourquoi ce texte est si important pour la grande civilisation chinoise, etc. En réalité, ce texte a un statut très particulier, étant donné que c'est assez paradoxal de le noter, mais il n'a atteint le statut de classique, c'est-à-dire de texte canonique, qu'à un stade très tardif. À savoir En réalité, on peut dire que ça date vraiment du début du deuxième millénaire de l'ère chrétienne. Donc, pour la Chine, c'est tardif. Hein. Bon, c'est un certain Zhu Xi qu'on a souvent comparé à une sorte de Thomas d'Aquin chinois, enfin, qui a décidé que un certain nombre de textes courts, dont les entretiens de Confucius, entreraient dans le corpus des écritures canoniques confucéennes. Donc c'est vraiment tardif. Et jusque-là, les entretiens avaient essentiellement servi de manuel d'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les écoliers, en réalité. Donc, on apprenait à écrire. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, parce que et aussi c'est un texte que les écoliers apprenaient par cœur, qui était censé être facile à mémoriser parce que ce sont des phrases assez courtes. L'ensemble des entretiens est aussi assez court. C'est pas un des traités les plus longs de la littérature chinoise, donc facile à mémoriser et comme des aphorismes. Oui, c'est ça. C'est rempli de punchline, voilà. En quelque sorte. Un peu ça, oui. Ah. C'est un peu ça, oui. Et de fait, on a retrouvé dans le Grand Ouest chinois, dans ces fameuses grottes de Donghang, des cahiers d'écoliers qui sont en fait des copies, justement, de certaines phrases des entretiens. Donc ce texte dont on a fait des gorges chaudes a posteriori, en réalité, au départ, n'est pas, comment dire, un texte canonique. C'est pas véritablement un classique. C'est seulement après que, étant donné sa diffusion, alors non seulement dans la société chinoise, mais aussi dans les sociétés d'à côté, c'est-à-dire des sociétés dites sinisées comme la Corée, le Japon, le Vietnam, ces entretiens ont servi également aussi de manuels d'apprentissage, au fond. Histoire vivante suite de l'entretien avec Han Cheng, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Alors, concernant par exemple le pouvoir politique, comment le pouvoir politique fait-il pour instrumentaliser, pour utiliser, mettre du confucianisme dans ses lois, dans ses discours, dans ses mots d'ordre, dans ses slogans, dans les banderoles, dans que sais-je? Comment il le pratique? Bonne question, parce que le pouvoir actuel est exercé par des gens qui, très logiquement, ont à peu près mon âge, c'est-à-dire qui sont dans la soixantaine, et dont il faut se souvenir que quand ils étaient jeunes, c'est-à-dire il y a 40 ans, étaient pour beaucoup des gardes rouges, ou en tout cas, enfin, des jeunes déterminés justement à se débarrasser précisément de cette culture confucéenne. Donc, et les mêmes maintenant qui sont au pouvoir vous mettent des statues de Confucius partout. Vous pouvez pas circuler en Chine maintenant sans vous trouver nez à nez avec un buste ou une statue de Confucius. Mais ils sont revenus dans le droit chemin. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que c'est là aussi, il y a tout un processus, parce que le pouvoir chinois est passé maître, comme on le sait, dans des oxymores du genre économie socialiste de marché. Et de la même façon, vous avez l'invention d'un slogan par l'équipe dirigeante précédente, celle actuelle de Xi Jinping. Donc vous avez l'équipe de Hu Jintao, avant 2012, qui a inventé ce slogan de « société socialiste d'harmonie ». Bon, alors, en principe, difficile si, vous êtes un, si vous êtes un bon marxiste... on vous a toujours dit qu'une société socialiste, c'est quand même une société qui intègre le principe de la lutte des classes. Le conflit. Alors oui, le conflit. Et là, on vous dit, alors, société socialiste d'harmonie. Enfin, c'est exactement que c'est calqué sur l'économie socialiste de marché. Hein, bon. Donc, bonne question. Donc, comment on fait pour concilier tout ça? Il faut assouplir les articulations. Je pense que c'est surtout... Je pense que l'objectif est quand même assez clair, c'est pour obtenir la paix sociale à n'importe quel prix, c'est-à-dire la stabilité sociale qui devrait permettre justement la prospérité économique. Ça, c'est vraiment, je pense, le but principal du pouvoir chinois actuel, parce que je crois qu'au fond, c'est la seule manière qu'il a de se légitimer. Après le massacre de Tiananmen en juin 89, qui reste encore profondément dans les esprits, même si on n'en parle pas, on n'est pas censé en parler et ça n'a pas censé exister même. Dans la nuit de vendredi à samedi, certains ont encore le courage de sourire. La troupe envoyée par Deng Xiaoping pour dégager la place Tiananmen est paralysée par la foule qui, toujours mobilisée, ne s'est pas laissée surprendre dans son sommeil. Les soldats, désemparés, battent en retraite. C'est un nouveau camouflé pour Deng, qui a déjà vu les obsèques de Hu Yaobang lui échapper, la visite historique de Mikhail Gorbatchev gâchée par les étudiants, la loi martiale bafouée. Cette fois-ci, c'en est trop, la statue de la liberté des étudiants a trop longtemps défié le pouvoir. Samedi, le face-à-face est de plus en plus tendu. Les étudiants et la foule ont su, pendant 6 semaines, faire preuve d'une autodiscipline exemplaire, mais déjà le bruit court qu'une deuxième vague répressive est envoyée par Deng. Des blindés foncent sur l'avenue Chang'an, vers la place Tiananmen. Cette fois-ci, les ordres sont formels. Dégagez la place sous peine de cour martiale. Les chars se précipitent sur la statue symbole de la liberté, sur la foule aussi. L'armée du peuple a tiré sur le peuple. 1400 morts, 10 000 blessés. Ce matin, la place Tiananmen, longtemps scène d'un drame pour la démocratie sous les yeux du monde entier, s'est réveillée, nettoyée par l'armée. En Chine, cet événement qui a non seulement marqué les esprits, mais les corps aussi, parce qu'il y a quand même des corps qui ont fini écrasés sous les chars, sur la place Tiananmen, un pouvoir qui lance les tanks contre sa propre jeunesse. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir, enfin? Donc là, la légitimité du Parti communiste chinois, on a pris un coup quand même. Donc là, nous avons un pouvoir qui se légitime uniquement par justement le fait d'assurer la croissance économique. Et donc, dès que cette croissance commence à fléchir, on sent une certaine nervosité. Le cas sur les dernières années, en effet. Oui. Donc là, maintenant, vous avez un pouvoir qui est de plus en plus maniaque du contrôle, de la censure, de la répression. Donc ça, c'est très net. Autant l'équipe précédente pouvait se permettre de se donner une apparence de mansuétude confucéenne, autant l'équipe actuelle, tout en continuant à citer les classiques pour se réclamer de ce slogan des instituts Confucius, nous sommes les héritiers de 5000 ans de civilisation continue, ce qui est évidemment également une contre-vérité. Et maintenant, il y a une espèce de justification culturaliste qui vient se superposer comme un vernis sur cette exigence de stabilité sociale. Avez-vous le sentiment qu'en termes géopolitiques, la Chine, sans avoir gagné la bataille des idées, mais a réussi sa quête d'influence internationalement? Je veux dire par là, est-ce que sa séduction, de ce que vous pouvez le percevoir, notamment au travers de la façon dont les instituts Confucius arrive désormais dans un grand nombre de pays, aux États-Unis, il y a une autoroute, vous dites, entre la Chine et les États-Unis, en Europe, avec un endroit comme l'Allemagne où justement vos collègues sinologues sont plutôt en petit nombre et plutôt fragiles. Est-ce que de ce point de vue-là, la Chine a très bien repéré les points de faiblesse et sait séduire et sait se vendre? Mais la Chine exerce la séduction de l'argent surtout, c'est ça. De fait, vous parlez des instituts Confucius aux États-Unis, beaucoup entre-temps ont fermé. Ah, ils ont fermé. Oui, enfin, il y a des universités où on les a carrément mis dehors. Hein. Aux États-Unis, justement, ils ont pas besoin, enfin, du gros chèque. Par conséquent, ils peuvent se permettre de montrer la porte Ça ferme depuis Trump ou ça a fermé déjà avant? Non, c'était avant. Avant. D'accord. Non, et ça n'a rien à voir avec Trump. Trump, j'ai l'impression que... Non, mais je crois que la Chine a désormais les moyens d'acheter le monde. C'est aussi simple que ça. Enfin, vous avez maintenant des instituts Confucius qui s'implantent dans des pays où il n'y a pas d'études chinoises. En Amérique latine, en Afrique. Et alors là, c'est la porte ouverte, effectivement, à cette voie unique de Pékin. Avec un président à vie. Oui, c'est ça. C'est assez monochrome. Oui, mais encore une fois, au nom de la stabilité, il nous faut ça. Nous allons maintenant parler d'une collection que je vais vous laisser présenter. J'en ai ici un résumé fascicule. C'est une édition aux belles lettres. Moi, je vous dis qu'il y a un papier du tonnerre. Alors, les caractères sont très petits, donc avec ma vue défaillante, je ne vois pas tout. Mais après tout, c'est vous qui devez faire la promotion. Donc, allez-y, je vous en prie. Donc, les belles lettres, c'est une institution française vénérable, puisqu'elle a presque 150 ans d'histoire. Elle a commencé par proposer cette collection donc de textes grec et latin, donc avec le principe donc du texte original sur la page et la traduction annotée sur la page en vis-à-vis. Et donc nous avons repris ce modèle pour des textes rédigés en chinois classique. Il faut savoir que le chinois classique, c'est ça recouvre une période extrêmement longue, puisque ça peut remonter à une assez haute antiquité, et ça peut aller jusqu'à une époque relativement récente, c'est-à-dire en Chine jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire où on écrit encore en chinois classique. Oui, oui. Certains intellectuels choisissent de s'exprimer en chinois classique, y compris même des écrivains qui sont réputés révolutionnaires. Il y a ce grand écrivain qui s'appelle Lu Xun, qui a été mise au pinacle par les communistes en particulier, qui l'ont aussi largement instrumentalisé, enfin, comme beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, même Lu Xun s'est trouvé à écrire des textes en chinois classique, et ça dans les années 1930. Alors, pardon pour la naïveté de la question, mais le chinois classique, qu'a-t-il de plus, de supérieur, de par rapport au chinois non classique? Mais disons que c'est là je vais être un petit peu sommaire, mais enfin on pourrait dire que c'est la langue écrite qui est assez différente de la langue parlée. Donc le chinois classique, c'est au fond c'est la langue avec laquelle les lettrés se sont exprimés par écrit. Alors que la langue parlée est assez différente. Il s'agit d'une langue extrêmement concise, qui n'ajoute pas toutes sortes d'éléments qu'on ajoute dans la langue parlée. Et par conséquent, ça permet de produire des textes extrêmement denses, très souvent d'une très grande beauté, parce que on peut jouer beaucoup sur les effets de rythme et de rime. L'un des plus grands sinologues du XXe siècle, qui était d'ailleurs suisse d'origine, Paul de Miéville, a eu cette observation très juste que, au fond, ce qui tient lieu de syntaxe dans la langue classique, c'est le rythme, précisément. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur l'épreuve du gueuloir de Flaubert. Dis-en un petit peu plus, parce que ça, moi, je suis un petit peu au courant, mais voilà, le gueuloir, Flaubert, oui, comment vous faites? C'est-à-dire que dans mes séminaires, avec mes séances de lecture avec les étudiants, je trouve toujours utile la lecture à haute voix. Parce que, d'abord, il faut savoir que les textes en chinois classique, dans les éditions traditionnelles, ne sont pas ponctués. Donc on est obligé de lire à haute voix pour entendre la syntaxe. Oui, pour la vie. Pour entendre la syntaxe, oui. Absolument, oui. Donc il y a une sorte de respiration qui se fait par justement cette déclamation à haute voix. Et c'est donc très très important d'entendre le texte. Donc c'est cette langue classique, elle a concerné alors non seulement la civilisation chinoise, mais aussi celle d'à côté, celles qui ont subi l'influence chinoise. Donc vous avez des lettrés coréens, japonais, vietnamiens qui se sont exprimés, qui ont rédigé des textes justement dans cette langue. Bibliothèque chinoise, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, voilà. Oui. Mais c'est un petit peu le titre français est un petit peu trompeur, parce que en réalité il vaudrait mieux se référer au titre chinois, qui est Han Wen Shu Ku, c'est-à-dire donc on pourrait dire le thésaurus, la bibliothèque en langue Han. Donc c'est pas tout à fait la même chose, et ça inclut un volet coréen que nous avons ouvert, un volet japonais, et nous espérons ouvrir également un volet vietnamien, puisqu'il faut savoir que des lettrés vietnamiens s'exprimaient encore en chinois classique jusqu'à l'époque de la colonisation française. Han Cheng, il va me falloir vous remercier, et puis on va vous quitter là, parce que vous allez vous jeter sur vos feuilles pour la préparation de votre cours. Merci encore. J'invite tous les auditeurs qui vous ont suivi surtout à se précipiter, parce que là on n'a fait qu'effleurer vraiment les sujets. Je voudrais juste peut-être en conclusion que vous me lisiez ce que vous avez évoqué à la toute fin, peut-être, ou dans une partie de votre conférence inaugurale, que vous me le lisiez cette partie-là, je vous prie, Han Cheng. Oui, il s'agit d'un passage des entretiens où Confucius, si c'est bien lui, est censé récapituler les grandes étapes de sa vie. En chinois, ça donne « Wu shi you wu er zhi xue, san shi er li, si shi er bu huo, wu shi er zhi tian ming, 60而耳顺, 70而从心所欲不逾矩. Merci Jean Leclerc, c'était vraiment très très instructif pour moi de dialoguer avec vous, Et je ne sais pas si je vais me jeter sur mes feuilles ou me jeter par la fenêtre, mais en tout cas, à une autre fois, j'espère. À une autre fois, merci. Demain, il sera question d'une Chine plus contemporaine. Nous serons en compagnie de la réalisatrice Louise Muller, qui signe pour Histoire Vivante le prochain documentaire. À demain. Histoire Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, ainsi que l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Thierry Châtel, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.